Aurais-je une autre ambition que la vôtre? Aurais-je un autre destin que le vôtre? Un autre destin que le vôtre? Peut-ai-je fait pour être différent? Peut-ai-je fait pour être non-croyant? Peut-ai-je là pour subir aux affronts? Ou bien pour vous dire que vous étiez tous des... Je n'ai pas changé d'avis, mes amis, non, je n'ai pas changé d'avis, vous savez. Les humains sont pourris. Les humains sont pourris. Je pense toujours à vous. Et vous me manquez beaucoup. Plus que vous ne l'imaginez, vous savez. Plus que vous ne l'imaginez. Vous me manquez. Au fond de moi, oui, toujours la rage contre ces humains de merde qui commencent à me faire chier, qui continuent à me faire chier, qui continueront toujours à me faire chier d'abord, et il n'y en aura jamais, il n'y en aura jamais assez de bons pour combler tous les cons, tous ceux-là qui sont cons. Il n'y en aura jamais assez de bons pour combler tous les cons. Tous les pourris. Vous savez, mes amis, je me suis simplement étourdi, essayé d'abaisser la tension. Pour paraître comme eux, mais au fond, pour me noyer dans la masse, mais au fond, je ne suis pas eux, et je ne le saurai jamais, les amis, non, mes compagnons, non, je ne serai jamais eux. Aider le plus faible, ouais. vous, mes compagnons, vous, mes amis, vous, mes amis. Je vais pas soutenir les animaux des cons. Je vais pas aider ces animaux qui sont au con. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je vous ai aidé vous car vous étiez quiconque à personne. Vous étiez à personne. Vous étiez même pas à moi, c'était moi qui étais à vous. J'essaie de faire un sevrage de leur technologie. Parce que je me suis noyé dans leur technologie. Dans leur idée. Internet, toutes ces images dessus, toutes ces pensées dessus, qui divertissent, oui, mais pour faire oublier la vraie vie, pour faire oublier ce que l'on est, pour faire oublier le désolement de l'âme, pour faire oublier qu'on est seul ici. Chose à dire. Je crois que j'ai tout dit sur les humains. d'être sauvé de ce monde. Il pousse comme de la mauvaise herbe, qu'ils sont d'ailleurs. De la mauvaise. Des milliards, des milliards, des milliards qui est en train de donner milliards et au fond. Après ils veulent quoi? Conquérir d'autres planètes? Quoi? Pour pourrir d'autres planètes? N'y arriveront pas. Au bout d'un moment, être trop fait que il n'y a plus rien, il y a trop, c'est trop le pichet, trop d'eau. Déborde, mais quand ça déborde? Quand ça déborde, ça déborde. Sauf que bien sûr, ça déborde sur la table. Et après ça déborde par terre. Mais là, si vous voulez que ça déborde. Ça débordera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.